Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les Romains avaient-ils du plomb dans l'air? Georges Brassens nous avait prévenu, il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps, il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant parce que justement il maîtrise les choses du temps, mais aussi parce que son nom est associé au saturnisme, l'intoxication au plomb. Terrible maladie, saturnisme, parce que la planète Saturne a pour symbole le plomb, mais aussi parce que Saturne dévore ses enfants. Il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge, de sablier, avant que ne disparaisse la pollution au plomb de nos ancêtres romains. Anthony Austin, bonjour. Bonjour. Le plomb est partout dans le monde romain. À peu près, oui, mais je pense que mon collègue va vous expliquer encore davantage comment il est présent et dans quel contexte précis on le voit, on peut le mesurer, surtout le tracé. Parce que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on peut plus faire de l'histoire juste avec les textes, avec les inscriptions, avec les documents littéraires. Il faut aujourd'hui avoir une vue globale des choses, et pour comprendre les sociétés anciennes, et la société romaine en particulier, et l'Empire romain, il faut aujourd'hui travailler avec... De manière transdisciplinaire, hein. C'est un mot qui est souvent galvaudé, mais là il a tout son sens, avec les spécialistes, les archéologues qui ont des spécialités très particulières. Et bien votre collègue justement est ici, bonjour Hugo Delisle. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, géoarchéologue. Alors expliquez-nous, quel est votre champ de recherche ? Alors la géoarchéologie, c'est une discipline qui s'appuie sur les disciplines des sciences naturelles pour appuyer des recherches en archéologie et développer également ses propres programmes de recherche où on fait intervenir, on essaie de travailler sur les interactions entre l'homme et son environnement et son milieu sur la longue durée. Et c'est dans des cadres interdisciplinaires où on cohabite avec différents champs, l'archéologie, l'anthropologie, où on fait intervenir différents types de connaissances pour avoir une approche globale de l'homme et de son environnement. Je vous pose la même question, alors le plomb est partout dans la civilisation romaine? Bon, on le retrouve dans différents domaines, oui. Dans le domaine militaire, dans la cosmétique, comme vous l'avez évoqué, dans le domaine de l'urbanisme, dans l'hydraulique, dans tous les compartiments de la vie et de la société humaine, au temps des Romains. Quel est l'intérêt du plomb ? Quel est l'intérêt d'utiliser le plomb plutôt que tout autre métal ? Alors pour le domaine de l'urbanisme et de l'hydraulique, ça a son point de fusion relativement bas, lui confère une forte malléabilité qui lui permet ainsi, au travers de canalisations dont les Romains étaient friands, d'épouser les différentes sinuosités du tissu urbain et ainsi accompagner le développement de son tissu urbain. Oui, c'est facile à utiliser le plomb. C'est plus facile, en tout cas, on le sait bien, hein, c'est un matériau qui est malléable. Et puis, il y a une question de fusion aussi. Son point de fusion est relativement bas, oui, 327 degrés, ce qui permet de le fondre à des températures relativement basses, contrairement à d'autres métaux. Et puis, petit point, justement, sur ce vocabulaire autour du métal, tous ces métaux utilisés dans l'Empire romain, avec Michel Roblin, historien spécialiste de la langue. Les Romains distinguèrent assez tardivement l'argent, le plomb et l'étain. L'étain fut longtemps appelé plombum album, le plomb blanc. Dans les derniers siècles, la langue latine s'enrichit d'un nouveau terme, stagnum, parfois écrit stannum, que l'on retrouve dans l'espagnol estaño, l'italien stagno et notre français étain. L'homonymie avec le nom appliqué aux eaux stagnantes, dormantes, aux étangs, en latin également stagnum, semble purement fortuite. Bien qu'on ait essayé de l'expliquer par une comparaison entre la nappe d'étain en fusion et la surface tranquille d'un marécage. Il s'agit visiblement d'un emprunt à la langue de l'un des pays qui fournissait le métal aux Romains aux alentours de notre ère. L'anglais tin et l'allemand zinn, clairement apparentés à stagnum, orienteraient les recherches vers les peuples de l'Ouest européen. Et un dialecte celtique, parlé en Espagne ou en Grande-Bretagne, les deux gros producteurs d'étain de l'Antiquité, est probablement à la base de ce nom mystérieux. Un nom mystérieux. Anthony Austin, là, nous avions une archive de 1961 qui évoquait ce vocabulaire. Avant de parler de l'archéologie, de la recherche, et vraiment, vous avez eu raison de souligner combien la transdisciplinarité est essentielle dans toutes ces questions. Les sources elles-mêmes évoquent les métaux. Le vocabulaire utilisé pour parler des métaux dans ces sources antiques est est-elle compréhensible pour nous? Vous savez, il y a toujours cette question. Est-ce que le plomb tel que les Romains l'entendaient, c'est notre plomb à nous? Oui, a priori, il n'y a pas de problème de qualification ni de définition. Les gens identifiaient très rapidement les types de matériaux et on voit qu'il y a une approche étymologique dans ce court extrait. Et effectivement, l'étain correspond bien à ce que nous on appelle de l'étain et il correspond bien à l'élément qui servait à, très précieux d'ailleurs, hein, qui servait à fabriquer ce qu'on appelle nous le bronze. Alors parfois on a des termes génériques. Il peut y avoir des métaux qu'on appelle l'auricalque, qui est un mélange de zinc et de cuivre et qui est très brillant et qui pouvait donner une apparence d'or, hein, des monnaies était frappé en auricalque. Donc voilà, c'est simplement pour, on est à peu près sûr que ce type de vocabulaire ancien correspond à nos réalités à nous, quoi. Et puis nous avons évoqué l'utilisation du plomb pour les canalisations. C'est vrai que nous le comprenons très bien et nous voyons cet univers romain avec toutes ces fontaines et c'est merveilleux, il y a de l'eau, mais pour faire circuler l'eau, il faut des canalisations, elles sont en plomb. Anthony Austin, vous êtes spécialiste de l'histoire monétaire, de cette histoire métallique, le plomb a une incidence aussi pour la fabrication des monnaies, parce qu'on n'imagine pas une monnaie en plomb, c'est un peu mou le plomb. Non, mais alors il peut y avoir des monnaies avec un taux de plomb, puisqu'on parle de valeur intrinsèque quand une monnaie est fabriquée avec un métal précieux, donc on a un taux de fin, c'est-à-dire la quantité de métal précieux par rapport à l'autre métal qui est ajouté, puisque jamais aucune monnaie n'est pure, hein. Il n'y a pas d'or pur à 100%, ni d'argent pur à 100%, pour des questions justement de malléabilité, pour éviter que les objets monétaires, le flanc, la petite lentille, se casse au moment de la production, on était obligé d'ajouter des métaux, et dans la plupart du temps c'est du cuivre. Et le plomb est rarement utilisé, sauf pour des monnaies qu'on pourrait qualifier de monnaie du small change, la petite monnaie, dans les endroits où cette petite monnaie est frappée, où on dispose d'accès aux ressources assez difficiles. Je pense par exemple à l'Orient romain, où pendant à peu près 3 siècles, les cités ont le droit de frapper monnaie. Il y a le problème de la ressource, on trouve facilement du cuivre, mais ce cuivre aussi, il doit être mélangé à d'autres matériaux pour parfois lui donner un aspect argenté. Et le plomb est utilisé parmi ces éléments pour, fabriquer des monnaies particulières. Et puis le plomb, il est utilisé, on a parlé des canalisations, mais il est utilisé partout, dans la vaisselle en fait. Il y a énormément de vaisselle de plomb, des vaisselles en étain avec une très forte quantité de plomb. Donc les gens mangeaient, buvaient dans des gobelets, jusque dans l'Antiquité tardive, puisque ces objets sont, comme on a dit, c'est très malléable le plomb. C'est très facile de recopier en fait des plats, par exemple d'argent, en leur donnant une apparence de plat d'argent, alors qu'ils sont en vérité en plomb, avec un mélange d'étain qui leur donne le brillant de l'argent. Ah oui, ben voilà, rusés les Romains, on ne le dira jamais assez. Et puis avec toujours cette question de l'approvisionnement, d'où vient ce plomb, Hugo Delisle, de l'Empire romain? Où vont-ils chercher le plomb? Le plomb, ils vont se minerer, ils vont le chercher en différents endroits. C'est ce à quoi s'attache l'archéométrie. C'est d'étudier les gisements primaires à l'origine de cette exploitation. Et on avait à peu près partout autour du bassin méditerranéen avec les premières mines du Lorient en Grèce. Puis en fait, à mesure que le monde méditerranéen, le monde romain se développe au gré des conquêtes, des batailles, de nouvelles ressources, de nouveaux gisements sont appropriés par les Romains, l'Espagne, puis la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Donc à mesure que de nouvelles ressources sont appropriées, le territoire romain augmente. Et tout l'enjeu, c'est de discerner dans le domaine de l'archéométrie, notamment sur les spécialistes en isotopie du plomb, essayer de détecter ces gisements, ces sources à l'origine d'objets comme des canalisations ou des pièces de monnaie, afin de connecter le centre de consommation, comme une ville, au centre de production. Et cette connexion entre ces deux points permet de créer une relation commerciale, des réseaux commerciaux associés aux métaux. Donc les gisements, ils sont variés, différents. On en connaît de plus en plus. Les premiers gisements documentés et vers lesquels se sont tournés l'archéologie minière reposent sur des textes. Donc c'est bien l'Espagne qui a été investie d'études, notamment impulsée par Claude Domergue ou le professeur Rico. Donc une très forte documentation sur la péninsule ibérique. Puis à mesure des décennies, différents autres gisements se sont progressivement ont été documentés par les analyses. Hugo Delisle, vous nous dites que si l'on vous donne une canalisation en plomb d'une rue romaine, vous pouvez, ou il est possible, d'imaginer de quel gisement vient ce plomb, plutôt grec, plutôt espagnol ? Oui, alors, bon, c'est pas si simple. Détecter exactement le gisement, la mine dont le minerai tient son origine, c'est pas si simple. Tout d'abord, il faut réaliser des bases de données, de plusieurs milliers de données sur les compositions isotopiques de minerais, donc plombo-argentifère notamment. Donc documenter les différents domaines méditerranéens. Puis ensuite, on effectue des analyses sur ces canalisations. On obtient donc une donnée. Et ensuite, cette donnée, elle est injectée dans la base de données. Et on essaye d'obtenir des recoupements, des similarités dans la signature, dans l'empreinte isotopique du plomb. En général, différents domaines européens apparaissent. Par exemple, pour les canalisations de la Rome impériale, on a une forte probabilité d'un plomb provenant et ou des mines d'Espagne, de France, d'Allemagne ou d'Angleterre. C'est soit l'une de ces provinces minières, soit un mélange, parce que les canalisations étaient également recyclées. Le plomb était recyclé en différents matériaux. Difficile de préciser exactement le district minier en question, mais on peut identifier des provinces, des régions. Et juste en évoquant ces mélanges, cette idée même qu'il est possible d'identifier globalement des régions, cela à une lecture directe sur ces mouvements commerciaux. Anthony Austin, c'est ça aussi l'histoire de l'Empire romain. Nous pensons beaucoup à des conquêtes avec cette idée de domination, mais c'est pas uniquement ça, c'est une histoire économique. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans l'Empire romain, c'est la décompartimentation, en quelque sorte, de micro-régions qui pouvaient être connectées déjà les unes aux autres, par la Méditerranée notamment, parce que c'est l'élément maritime qui va faciliter les échanges plus que souvent des éléments terrestres, même si par la terre on pouvait, disons, faire des échanges de très long cours. Mais c'est cette décompartimentation de la Méditerranée dans un seul, disons, espace commun, en tout cas un espace juridique militaire, qui va permettre ces différentes connexions entre Rome, la Cornouaille, Rome, le nord-ouest de l'Espagne, Rome, l'Égypte aussi, puisqu'il y a quand même du minerai en Égypte. Donc c'est ces éléments-là qui vont permettre, en quelque sorte, de créer ce grand marché, hein. Cette pré-mondialisation, même si le terme est un peu cette globalisation avant l'heure. Enfin, il y a des historiens utilisent un peu ça, mais c'est souvent un peu galvaudé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mouvement s'accompagne d'un autre élément, puisqu'on là on parlait du plomb, c'est d'une monnaie commune, de règles de droit communes. Enfin, tous ces éléments conjugués font qu'il y a une sorte de koiné qui se crée intellectuelle, politique, et puis un immense marché qui se met en place, dans lequel un grand sénateur romain, par exemple, pouvait être propriétaire de terres en Gaule, en Égypte, en Afrique, et il possédait, si vous voulez, des biens comme jamais aucun individu n'avait pu en posséder, et l'empereur romain au premier chef. Et puis avec une manière de vivre commune, ce qui nécessite aussi énormément de quantité. Nous parlions de canalisation. Par exemple, dans chaque nouvelle ville créée, il y a besoin toujours des mêmes choses. Donc les besoins sont gigantesques. Oui, puis c'est des processus assez longs quand même. Quand on regarde un peu ce qui se passe en Gaule, le temps que, par exemple, Auguste décide la mise en place de cités, donc le système de cités, c'est-à-dire des entités administratives, dans lesquelles on doit toujours avoir un chef-lieu, c'est-à-dire une ville à la romaine. Bon, on a des exemples en Gaule, je prends toujours le même parce qu'il est pertinent, c'est Autun, Augustodunum, en Bourgogne. Eh bien là, on a un développement qui est amorcé au moment où Auguste décide de créer les cités, donc on est dans les années 10 avant notre ère. Et puis la ville romaine telle que nous on l'a en tête, c'est-à-dire la ville d'Astérix avec son amphithéâtre, tout est en pierre, tout est installé, eh bien il va falloir plus d'un siècle pour que ça se mette en place. Et justement, on a des éléments nouveaux par l'archéométrie ou par les fouilles archéologiques. Récemment, on a trouvé par exemple dans des puits, on peut faire des études de pollen, et on se rend compte que ce mouvement il va s'accompagner par exemple d'une déforestation complète. Et au moment même où la pierre se met en place. Pareil, le temps de mettre en place des murs, des enceintes, des portes, tout ça, ça prend du temps, en fait. Et donc, ça demande des matériaux en quantité monstrueuse, et le transport, la logistique, tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans une manière globale, systémique. Oui, parce que la ville romaine n'est pas seulement une ville de pierre, elle est faite aussi de bois et évidemment de métal. Et bien justement, descendons à la mine. La méthode pour se procurer de l'or surpasse les travaux des géants. À l'aide de galeries conduites à de longues distances, on creuse les monts à la lueur des lampes. Et plusieurs mois, on ne voit pas le jour. Les mineurs prennent souvent le parti de briser la roche à l'aide de machines armées de 150 livres de fer. Puis, ils enlèvent les fragments jour et nuit, se les passant de proche en proche à travers les ténèbres. L'opération faite, on attaque en dernier lieu les piliers des voûtes. L'éboulement s'annonce. Celui-là seul qui s'en aperçoit est le veilleur placé au sommet de la montagne. Celui-ci, de la voix et du geste, rappelle les travailleurs et fait lui-même retraite. La montagne brisée tombe au loin avec un fracas que l'imagination ne peut concevoir et un souffle d'une force incroyable. Merci Pierre-Marie Baudouin pour cette lecture. Pline l'Ancien, son histoire naturelle. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ avec ici un écho, mais très intéressant hein, d'entendre ce texte de Pline l'Ancien qui évoque en fait une manière de faire, mais qui traverse les millénaires, hein, cette manière de faire du mineur. Anthony Austin, vous nous avez parlé, puisque nous réfléchissons dans le cours de l'histoire sur France Culture à ces histoires de pollution, au changement de l'environnement, à la déforestation, bien sûr, mais là, avec les mines, nous avons aussi un effet sur l'environnement. Il y a la montagne qui s'effondre. Oui, tout à fait. Des transformations parfois de paysages qui sont spectaculaires. Je pense que c'est un site qui est très connu, c'est Las Medulas, dans le nord de l'Espagne, qui est probablement le texte. Pline y fait probablement allusion, en tout cas, à cette région aurifère. C'est probablement dans ce secteur qu'il faut resituer cet extrait, mais bon, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Effectivement, c'est un système d'exploitation par ravinement, par lâchage de d'eau aux grandes quantités, qui vont détruire des pans entiers de la montagne et qui vont permettre donc sur une source parfois primaire ou secondaire. Primaire, c'est le filon à proprement parler. Secondaire, c'est des sédiments qui ont apporté du minerai, de récupérer tout cela au pied de la montagne et puis de traiter le minerai à cet endroit-là, puisqu'on ne va pas promener comme aujourd'hui dans des vraquiers, des grandes quantités, tout est traité sur place. Donc là, on a un système qui est vraiment mis en place et on voit que ce système, il est très technique. Pline, justement, on s'intéresse à ces aspects-là parce que c'est un encyclopédiste qui veut essayer de donner à son lecteur toutes les connaissances du monde, de son monde, c'est-à-dire l'époque des Flaviens, en gros. Et il va développer aussi toute une série d'informations d'ordre technique, par exemple sur la manière dont on extrait l'eau à l'intérieur des mines. Ça peut être par des chaînes à godets, ça peut être par des vis d'Archimède, ça peut être aussi par des pompes à manuel. Enfin, on voit que là, dans cet extrait, on a à la fois l'intérêt technique et aussi un intérêt moralisateur. Il y a un passage un peu plus loin dans ce texte où il est dit que effectivement, il y a toujours l'attrait de l'or qui est tellement puissant chez l'homme qu'il est prêt à tout pour assouvir cette envie. Et donc il y a toujours aussi une dimension moralisatrice du sénateur qui parle à son lecteur. Oui, et puis une petite morale de Pline l'Ancien qui là aussi hein, traverse les millénaires, cet attrait de l'or. Hugo Delisle, dans ses signatures des paléopollutions et des paléo-environnements dans les archives sédimentaires des ports antiques de Rome et d'Éphèse, ça c'est le titre de votre thèse. Nous avons bien entendu là qu'au moment de l'extraction sur la mine elle-même, il y a déjà des premières transformations, parce que c'est compliqué de sortir du plomb, il ne sort pas en lingots tout de suite. Est-ce que là, déjà, il y a des traces de cette activité liée à votre démarche de recherche ? Alors, dans ces travaux de doctorat dont vous avez évoqué le titre, nous, on s'est attardé sur les traces de contamination urbaine, qui ne sont pas directement associés à des traces d'exploitation minière, même si ça, on a pu le démontrer sur d'autres sites, comme le site d'Utik, situé sur le delta de la Medjerda, en Tunisie, où justement, on a pu voir sur ce site-là, plutôt que celui de Rome, des premières traces de contamination au plomb, à l'argent, au zinc, dès le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et cette date coïncide parfaitement avec la première frappe de monnaie à Carthage. Et à partir de là, on s'est questionné sur l'origine de son plomb. On pensait qu'il allait provenir de l'usage de canalisation, comme à Rome, comme à Naples, comme à Éphèse. Et en fait, on s'est aperçu par d'autres techniques géochimiques que ce plomb, ces premières pollutions au plomb enregistrées sur le delta, dans le delta de la Medjerda, provenaient bien de l'exploitation de minerais plombo-argentifères dans l'arrière-pays carthaginois. Et que cette exploitation est d'autant plus importante que la stabilité géopolitique était perturbée. Ce qui est exactement l'inverse à Rome. Oui, c'est paradoxal d'ailleurs. Oui, on a une sorte d'évolution en miroir sur la signification de la pollution entre l'Empire romain et l'Empire carthaginois, où des fortes contaminations au plomb, pour la Rome antique, étaient associées à de la prospérité. L'eau coulait dans les tuyaux, le tissu urbain était drainé, et puis ensuite, en période d'instabilité géopolitique, les finances publiques ne permettaient permettait pas d'entretenir, de remplacer ce vaste réseau hydraulique. Et par voie de conséquence, moins de plomb dans les bassins portuaires dans lesquels nous avons effectué les carottages et à partir desquels nous avons pu mener ce type d'études. Est-ce qu'il y a des hypothèses? Parce que c'est vrai que imaginer une forte pollution au plomb au moment où tout va bien, parce qu'il y a une forte activité dans le monde romain, jusque-là, moi je comprends très bien. Mais de dire que du côté Carthaginois, de l'autre côté de la Méditerranée, la pollution est là quand ça va mal. C'est quoi alors? C'est parce qu'il y a plus de fabrication d'armes, on fabrique plus de monnaie, je sais pas. Il y a une forte relation entre production métallifère et aussi les territoires. Les Phéniciens avaient de vastes territoires, et notamment la péninsule ibérique, dès le premier millénaire avant Jésus-Christ. Les premières pollutions atmosphériques enregistrées dans les glaces du Groenland, dans les dépôts lacustres des hautes altitudes, ou encore dans les dépôts tourbeux, sont associées aux premières phases d'exploitation du minerai métallifère par les Carthaginois. Puis ensuite, Carthage est rentrée en guerre avec Rome. Rome progressivement a grignoté des territoires phéniciens. Les Phéniciens ont dû probablement trouver des stratégies, de nouvelles stratégies d'approvisionnement, et se sont notamment tournés vers leur arrière-pays. C'est ce qu'on a essayé de démontrer dans le cadre de travaux avec l'Institut National du Patrimoine Tunisien. Anthony Austin, la frappe de monnaie dont vous êtes spécialiste est une activité polluante. Alors la frappe elle-même, elle n'est pas polluante. Non, c'est vrai que la frappe, oui, c'est on tape dessus. Alors c'est elle vrai est polluante ça... dans la ville. Il y a une pollution sonore, une pollution, je pense, par les fumées, ce qui explique aussi pourquoi les ateliers, on a du mal à les identifier. Puis c'est très facile de frapper monnaie à partir du moment où on a des lentilles. Ce qui est polluant, c'est le moment en amont exact où on vient d'extraire le minerai. On est au pied de la mine et on va essayer de séparer le minerai noble du minerai vil. Et la source principale du plomb, c'est le système qu'on appelle la coupellation. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer dans une coupe, une argile mêlée avec de la calcite et des ossements, le métal en fusion. Et on va le faire, je crois que c'est autour de 1000 degrés. Et par un système d'oxydation dans un milieu oxydant, le plomb va spontanément entraîner le cuivre vers la coupelle elle-même. Et il ne va rester à l'intérieur de la coupelle que l'argent. C'est comme ça qu'on extrait, et c'est aussi comme ça que une grande partie du plomb est extrait, puisque c'est un matériau qui va avec l'argent. Il n'y a pas de mine, toujours de mine de plomb à proprement parler, c'est souvent de l'argent plombifère, on l'a évoqué à l'instant. Et donc après, le problème pour l'État romain, ça va être de trouver le moyen de créer des micro-lentilles qui sont toutes calibrées et normées pour éviter d'avoir des variations trop importantes à la fois dans le titre, donc la quantité de métal fin à l'intérieur de la pièce, et la taille du flanc monétaire, il faut absolument qu'il soit calibré, sinon on perd la confiance de l'usager. Et puis quand l'usager, c'est le soldat qui vous a porté au pouvoir, eh bien, on perd le pouvoir par la même occasion. Donc voilà les enjeux en gros, et pour la production monétaire à proprement parler, ça joue pas. Par contre, plus on a d'armées, plus on a besoin d'impôts, plus on a besoin de mines, et c'est là qu'on rentre dans cette logique qui était celle de Rome, c'est-à-dire... étendre l'Empire pour la grandeur de Rome, mais derrière, il y a toujours des enjeux économiques, et la conquête des Gaules, on peut la considérer par César comme une grande entreprise de déthésaurisation, de richesses accumulées par les Gaulois pendant des siècles, l'ouverture d'un marché pour le vin aussi, et puis pareil plus tard pour Trajan, les Daces, c'est une vaste entreprise de déthésaurisation et d'accaparement de mines essentielles qui permettaient de compléter des mines dont on sait qu'elles commençaient un peu à s'épuiser, puisqu'on voit qu'avec les éléments... qu'on a dans les carottages glaciaires ou d'autres données, on voit qu'à partir du deuxième siècle, on a un pic qui va et un effondrement assez important de ces données au tournant du troisième siècle. Parler d'histoire, c'est évidemment faire de la géographie, Anthony Austin. Les endroits où la monnaie est fabriquée correspondent aux endroits où le minerai est extrait, plus ou moins. Pas du tout. Alors justement, c'est pour ça qu'il faut absolument traiter le minerai à l'endroit où la mine se trouve, puisqu'ensuite on va acheminer ce minerai, et qu'au début de l'Empire romain, par exemple, il y a deux ateliers principaux sous l'empereur Auguste et sous les Julio-Claudiens. C'est l'atelier pour l'Occident de Lyon, en fait, la ville de Lyon, où on va surtout traiter l'or et l'argent, et puis Rome, principalement le bronze et le cuivre. Donc on voit que le métal doit être acheminé à l'atelier avec des réglementations très strictes et une organisation très particulière avec des représentants de l'empereur, des qu'on appelle les procurateurs, et qui sont des gens qui vont contrôler étape après étape la fabrique de la monnaie, etc. Donc là, on a un système qui doit être absolument, qui est fondé sur l'acheminement du minerai et traité et purifié à l'endroit même où on produit la pièce. Et puis, pour transporter des choses aussi lourdes, bah c'est vrai qu'il y a la Méditerranée, dès lors il y a des bateaux, c'est formidable, mais parfois les bateaux coulent. Robert Stenhuy, vous êtes chasseur de trésors sous-marins, et vous avez écrit que le chasseur de trésors, comme son nom l'indique, chasse des trésors, même s'il n'en trouve pas. Alors avant toute chose, des trésors, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on en trouve? Oui, ça existe. Et moi-même, j'en ai trouvé 6 ou 7 depuis, dans les 10 dernières années. Mais vous m'avez appelé chasseur de trésors, c'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai parce que je cherche et je trouve des trésors avec des pièces d'or et d'argent par milliers, des chaînes d'or, des bijoux, etc. Ce n'est pas vrai parce qu'en fait, ce n'est pas pour trouver ces choses-là que je travaille depuis une vingtaine d'années. Ce sont des choses qu'on trouve avec beaucoup d'autres. Et une épave, c'est le professeur Fernand Benoît qui a dit ça il y a très longtemps, c'est une tranche de vie. Et quand on trouve un navire perdu, on trouve tout ce qui était nécessaire à des gens à une certaine époque de l'histoire pour vivre, pour manger, pour se battre, pour faire la guerre, pour faire du commerce. Et c'est ça qui est passionnant. L'émission Horizon Mer sur l'ORTF en 1974, et ce que l'on trouve dans ces épaves, ce sont aussi des lingots. Alors comment est transporté ce plomb, Hugo Delisle? Pour se transformer en canalisation, entre autres, après, ou être utilisé sous plein d'autres formes. Oui, et bien une fois extrait, le minerai métallifère est ensuite transformé, comme vous venez de le dire, sous forme de lingots. Puis ces lingots étaient estampillés et puis redistribués dans le monde romain. Et souvent, on peut en retrouver notamment des traces dans les épaves. De nombreuses épaves en Méditerranée ont pu faire l'objet d'études de lingots de plomb ou autre métal. Et à partir desquels, des réseaux, des tissus commerciaux ont pu être reconstitués. Et dès lors, pour vous, vous avez des lingots estampillés, parce que le lingot porte une marque, ce qui correspond à un réseau. Mais c'est intéressant, hein, toujours dans cette réflexion, de connaître les différents circuits de métal, et notamment de plomb. Archéologie, la recherche scientifique et les sources diverses permettent de reconstruire en fait cet environnement. Anthony Austin, ces lingots, c'est une source précieuse. En soi, ça ne fait pas rêver par rapport au trésor de ces chercheurs d'épaves, mais c'est essentiel. On a des tonnes de lingots. Absolument. Bah, on peut aller visiter le musée d'Arles, par exemple, où vous en avez beaucoup exposé, notamment se trouver au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y avait une épave qui avait été fouillée et qui contient un grand nombre de ces lingots. L'intérêt de ces lingots, c'est qu'ils portent effectivement une estampille en latin. C'est souvent une épigraphie qu'on va qualifier de technique, parce que ce sont des abréviations. Donc on a im pour imperator, là ça va. Donc on a beaucoup de lingots qui proviennent de domaines impériaux, et donc ça c'est extrêmement intéressant de voir que l'empereur porte une attention toute particulière à l'exploitation minière, parce que c'est un enjeu stratégique. On voit apparaître aussi des lingots dans des régions qu'on n'attendait pas, par exemple la Germanie entre 10 avant et puis la défaite de Varus. On voit qu'il y a eu un enjeu pendant quelques années d'exploitation de ces régions que Auguste voulait créer en Grande Germanie, puis finalement il y renonce après les 3 légions perdues par Varus. Donc on a tous ces éléments-là qui font qu'on peut effectivement tracer des réseaux, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, entre le point de départ, le point d'arrivée, grâce au bateau, et également grâce à ces estampilles qui nous donnent des informations sur l'origine du métal, et qui sont très très précieuses. Et sur les trésors, je voulais quand même insister, les pieurs d'épave, c'est pas bien en fait, j'en profite pour faire un peu de propagande. Effectivement, aujourd'hui, les fouilles archéologiques sous-marines ne se font plus du tout comme dans les années 60, hein, et elles sont beaucoup plus rigoureuses, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de données que celles qui consistaient à extraire les amphores et à sortir les objets sans les contextualiser à l'intérieur du bateau. Ce qui permet de voir aussi pourquoi le plomb pouvait être transporté comme ballast, par exemple. Il y a plein d'informations qu'on apprend si on fouille bien une épave. Il faut faire très attention à ça. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur les pilleurs d'épave, surtout qu'il y a l'actualité est remplie depuis 2 ou 3 mois de ces problèmes de pillage d'épave en Méditerranée sur le littoral français. Voilà, pas très loin de Cannes, notamment, quelques pilleurs d'épave condamnés, mais pas seulement pilleurs d'épave, parce que nous le savons bien, sur chaque site en France, on ne fouille pas n'importe comment. On demande des autorisations. l'autorisation. Et si l'autorisation n'est pas accordée, eh bien, on ne creuse pas tout simplement. Hugo Delisle, dans cette réflexion que nous avons sur la présence des métaux, la pollution, cette idée de pollution signifie trace, ce qu'il en reste. Vous avez travaillé sur les ports. Comment retrouve-t-on ces traces? Parce que c'est dans un jeu de sédimentation que l'on va trouver. Qu'est-ce qu'on trouve en fait? Alors pollution, c'est un vaste terme. On qualifie de pollution dès lors que les teneurs en éléments traces métalliques, dont le plomb, dépassent des valeurs dites naturelles, ce qu'on appelle le bruit de fond naturel. Donc, par exemple, pour le plomb, le bruit de fond naturel, il se situe en moyenne mondiale à 17 mg par kilo. Très bien. Sur le delta du Tibre, là où se trouvent les ports de Claude, de Trajan ou encore d'Ostie, les valeurs naturelles se situent autour de 24 mg par kilo. Ensuite, ces traces dès lors qu'on dépasse ce seuil naturel, on peut parler d'un plomb anthropogénique, c'est-à-dire amené par une contamination, une activité engendrée par une activité humaine. Alors une fois que l'eau est acheminée par les aqueducs de la Rome antique, elle va suivre un long parcours. Cette eau, elle va être ensuite déversée dans des citernes par lesquelles vont être connectés des vastes réseaux de canalisation pour venir distribuer des résidences privées, alimenter des centaines de fontaines, des thermes. Puis cette eau ensuite, et aussi des activités métallurgiques comme la tannerie, la foulerie. Puis une fois ces eaux souillées, elles sont ensuite concentrées dans des réseaux d'égouts, puis ensuite raccordées à un vaste collecteur, un grand collecteur. Chaque grande ville avait un grand collecteur. Pour Rome, c'était la Cloaca Maxima. Et ce collecteur va rejeter ces eaux usées de la Rome antique dans le Tibre directement. Puis ensuite, le voyage de la pollution, et notamment du plomb, se poursuit au travers un chemin d'une trentaine de kilomètres. Le plomb est un élément dit hydrophobe, c'est-à-dire qu'il n'aime pas voyager libre dans la colonne d'eau, il aime bien venir se coller, se greffer, s'absorber aux particules fines. Donc il préfère les limons et les argiles plutôt que le sable. Ensuite, il poursuit donc ainsi son voyage en direction de la mer via le Tibre pour rejoindre des canaux fluviaux construits par les Romains pour connecter le domaine maritime au domaine terrestre, hein, pour faciliter la remontée des marchandises. Et cette contamination, elle poursuit ce chemin en direction des bassins portuaires qui constituent une sorte de réceptacle des eaux urbaines dans lesquelles ces contaminants vont rentrer en connexion avec les eaux marines pour venir précipiter, s'accumuler au fond des bassins portuaires d'année en année avec environ un centimètre par an de taux de sédimentation. On peut ainsi remonter le fil à travers des carottages de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Et ainsi observer des variations dans les teneurs et les concentrations. Ah ben merci de ce voyage, parce que j'ai été particule de plomb pendant le temps de votre narration avec, et vous terminez là-dessus, Hugo Delisle, cette idée de chronologie, faut le dire. Et vous l'avez déjà évoqué au cours de cette émission, vous êtes très sensible à cette chronologie, c'est-à-dire qu'il est possible de voir la variation de l'utilisation du plomb. Et ça, c'est formidable, parce que on peut mettre ça en écho. Alors, faudrait pas pousser trop et voir sans arrêt des relations entre les événements que nous racontent les sources de l'Empire romain et puis les taux de pollution. Oui, ce qui est intéressant dans le domaine de la géoarchéologie, c'est d'utiliser un matériel qui est le sédiment à partir de carottages profonds. Donc on extrait une colonne de terre, de sédiments, qui correspond simplement à une tranche de temps. Et sur cette tranche de temps, on va effectuer différentes batteries d'analyse. La palynologie a été évoquée par mon collègue. Différents types d'analyses peuvent être menées, dont des analyses géochimiques. Une fois que ces analyses sont réalisées, ensuite, il faut borner ce temps. Pour borner ce temps, on va utiliser des techniques de datation diverses et variées, comme les datations au radiocarbone à partir de matières végétales. Et ensuite, on a pu travailler, oui, à partir de carottes sédimentaires sur différents bassins portuaires, celui du Portus, qui nous donne une fourchette chronologique du premier millénaire après Jésus-Christ. Et ensuite, on a complété nos travaux à partir de nouvelles colonnes sédimentaires prélevées dans le bassin portuaire d'Ostie, nous fournissant un complément puisqu'on a ici notre tranche de temps correspondant au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et avec ces deux bassins portuaires, on a ainsi l'histoire complète de l'Empire romain et de sa contamination. Et nous l'avons déjà évoqué, hein, ces carottes prises dans les glaciers, mais jusqu'au Groenland. Est-ce que des mises en relation sont possibles entre vos travaux, Hugo Delisle, sur les sédiments dans les ports de Rome, vous avez dit le port de Claude, de Trajan et celui d'Ostie, Ostie n'étant pas un empereur, à la différence des deux autres. Est-ce qu'il y a une relation à faire? Eh bien, on a essayé de la faire, cette relation, mais chaque type d'archive environnementale est associé à un niveau spatial d'analyse. Donc niveau local, régional, macro-régional, global. En général, les glaces ou les lacs d'altitude nous fournissent un signal macro-régional, voire hémisphérique. Les courbes déduites de ces différents types d'archives nous montrent une évolution trimodale, trois grands pics. Un premier pic au cours de l'Empire romain au deuxième siècle, avec un deuxième siècle après Jésus-Christ, puis un effondrement, un second pic au Moyen-Âge, autour de 1100, 12e siècle, 13e, 12e siècle, et ensuite un troisième pic contemporain. On a ainsi ce que certains auteurs ont appelé la leadline, un marqueur chronostratigraphique. Et lorsqu'on essaie de détecter ces trois pics dans les archives sédimentaires et portuaires, on obtient un signal qui est légèrement différé, une évolution qui est légèrement distincte, avec comme seul dénominateur commun pour la période romaine, c'est ce pic du 2e siècle après Jésus-Christ. Pour les pics postérieurs, on ne l'observe pas réellement. Donc il y a un découplage entre les signaux d'archives globales qui nous fournissent un niveau d'analyse globale avec un signal local. D'où l'intérêt d'étudier différents supports environnementaux. Ce deuxième siècle après Jésus-Christ, mais Anthony Austin, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce pic? C'est l'effervescence de l'Empire romain dans la frappe monétaire, dans la nécessité d'équiper les villes de canalisation? Alors, il y a d'abord, on considère cette période comme la paix antonine, donc un moment de paix, de prospérité, un optimum, on va dire, économique, culturel, politique, et puis effectivement, un effondrement qui va suivre. Alors, faut faire attention aussi au déterminisme, parce que le plomb peut être utilisé comme un élément de justification de la fin de l'Empire romain, comme les grandes pandémies, puisqu'il y a eu plusieurs ouvrages qui sont allés dans ce sens-là, puisqu'on peut aussi étudier les ossements des individus et jusqu'à un certain point déterminer si telle ou telle maladie les a frappés. Il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent être pris en compte, comme par exemple les éruptions volcaniques, dont on sait qu'elles refroidissent légèrement l'atmosphère et suffisamment parfois pour créer ce qu'on appelle une année pourrie, c'est-à-dire une année sans blé qui va... Et là encore, ça dépend de l'échelle spatiale à laquelle on se situe, puisque un volcan qui va... dont l'éruption intervient, je sais pas moi, à Bornéo, n'aura pas le même impact qu'un autre en Islande, donc ça on le voit très clairement. Mais pour le deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est clairement un moment où les Romains, en fait, ont réussi à dominer l'ensemble de la Méditerranée, à l'imposer avec le consentement des populations, parce que tout le monde y trouve son intérêt. Il y a une forme d'intégration globale qui se fait. Et puis pendant ce temps-là, un peu loin, on a, une forme de théorie des dominos. En vérité, les Romains, ils ignorent que c'est plus loin dans les grandes steppes d'Asie centrale ou en Scandinavie, dans l'île du Gotland, on a toute une série de populations, des réservoirs démographiques qui craquent et qui vont pousser d'autres populations devant eux. Et à terme, au IIIe siècle, on aboutit à ce qu'on appelle la crise du IIIe siècle, puis l'Antiquité tardive, cette période au cours de laquelle l'Empire romain devient une sorte de citadelle assiégée. C'est un terme qui est utilisé par un historien de l'Antiquité, un historien antique qui s'appelait Hérodien. Et les Romains donc n'ont plus la maîtrise de leur géopolitique et ils vont devoir subir ces guerres. Donc tant qu'ils avaient la maîtrise de la géopolitique, par exemple l'exploitation minière servait à cet impérialisme en quelque sorte, ou à cette politique dynamique d'extension. Et puis au deuxième siècle, on a les mines qui fonctionnent et puis les filons s'épuisent aussi, il faut l'admettre. Ces effets d'étosorisation des DAS vont permettre d'accroître la masse monétaire sous Trajan. Et puis, il y a des effets d'inflation qui peuvent être des effets... L'inflation est plutôt un signe de bonne santé de l'Empire romain au IIe siècle de notre ère, ce qui n'est pas le cas au IIIe siècle, ça va être un problème réel. Et donc, tous ces éléments conjugués, là encore, on fonctionne à l'échelle d'un système. C'est un système extrêmement complexe qui fait que si on bouge un élément du système, tout l'ensemble est ébranlé. Et cet ébranlement engendre d'autres modifications et pas forcément un effondrement. Et on le voit au IIIe siècle. Alors si on ajoute des crises militaires plus des pandémies, probablement qui peuvent avoir engendré des coupes dans la population pouvant aller de 50 à 70%, dans certains cas, on le sait, on s'est bien documenté. Donc tous ces éléments-là font que l'Empire romain doit entièrement revoir sa stratégie. Et c'est la raison aussi pour laquelle, pour les ressources minières, on voit un gros problème apparaître au IIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire qu'on fonctionne probablement à stock d'argent constant. Et ce stock d'argent, plus on refond, plus on reproduit des objets en argent, etc., plus le stock a tendance déjà à diminuer par ces effets de refonte, ces mécaniques. Si on ajoute à ça que la monnaie d'argent est de plus en plus diluée dans du cuivre parce qu'on a besoin de payer plus de soldats, etc., il reste plus que l'or. Et c'est effectivement la situation qu'on retrouve au 4e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire non plus un système quadrimétallique, or, argent, bronze et cuivre, un aureus 25 deniers, 100 sesterces et puis 400 as, on se retrouve avec un système à deux métaux parce qu'il y a la monnaie d'or qui est restée, et là l'argent qui a complètement disparu, qui a été englouti. Donc on voit que tous ces éléments-là, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie les mines, la pollution, tous ces éléments-là, ça forme un ensemble de choses. Et il faut veiller surtout à ne jamais tomber dans le déterminisme. On prend une approche, on dit « Ah, les Romains, ils étaient pollués, donc disons qu'il y avait une grande pollution dans le monde romain, donc ça, c'est la cause de la chute de l'Empire. » Comme parfois, on pouvait trouver d'autres raisons, comme les barbares, les invasions barbares, ou le christianisme, parfois, qui peut être interprété comme une des causes de... Donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des données qui s'ajoutent, qui s'accumulent, et qui donnent une vision de plus en plus complexe des choses, et qui nous aident à mieux comprendre, en fait, les choses, même si on pose parfois plus de questions... On arrive à, pour lesquels parfois on a du mal à trouver des réponses fermes. Anthony Austin, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Vous êtes l'auteur de La cité et l'empereur, les Éduains dans l'Empire romain. Mais dites-moi, avec l'hypothèse que vous venez d'évoquer, qui a longtemps été développée, que la pollution au plomb serait une des explications de la chute de l'Empire romain, parce que les élites auraient bu trop d'eau dans des canalisations pleines de plomb et de la vaisselle pleine de plomb. Et ça, on met ça de côté. Quand on lit Pétrone, on voit qu'il ne buvait déjà pas beaucoup d'eau, hein, il était tout coupé au vin, donc je plaisante bien sûr. Non, ce qu'il faut voir aussi, c'est derrière ces aspects-là, c'était une approche aussi peut-être propre au... C'est une réception du 19e et du 18e siècle par rapport à ce qu'était la civilisation romaine. Et ces gens-là étaient piégés par les sources qu'ils lisaient, et notamment l'idée de décadence. Et l'idée de décadence à Rome, elle passe par l'idée d'un monde qui est trop civilisé presque, avec les plaisirs de la ville, tous ces éléments-là qui font que les mœurs vont être corrompues par cette mollesse du mode de vie avec des termes, etc. Donc c'est probablement dans cette direction qu'il faut chercher cette interprétation contemporaine. Hein. Les Romains n'ont jamais écrit dans aucun texte que leur civilisation est décadente parce qu'ils absorbent du plomb dans leur canalisation, soyons clairs. Mais c'est plus une approche du 19e siècle qui disait « Ah, les Romains, vous voyez, ils se sont corrompus dans un mode de vie gréco-romain de facilité et ils en sont morts, en particulier les élites. » Parce que l'idée, c'est de dire que les élites était pollué au plomb, alors qu'en fait quand on regarde la population de Londres, je crois par exemple, qu'on fait des échantillons larges sur les pollutions au plomb qu'on peut détecter à travers les ossements, on se rend compte qu'avant la conquête, il y a très peu de gens qui possèdent des marqueurs du plomb dans leurs ossements, alors que ça devient un élément majeur et ça touche toute la population, pas seulement les élites. Pas seulement les élites. Et puis, toujours, hein, au moment de faire de la plomberie, aujourd'hui, nous avons cette question, faut-il du cuivre? C'est cher, hein, en ce moment, très cher le cuivre, ou du PVC. Ben, nos ancêtres antiques, eux, se posaient la question, plutôt terre cuite ou plutôt plomb? Les tuyaux de terre cuite ont cet avantage que s'il arrive quelque accident, il est facile de le réparer. Et que l'eau y est bien meilleure que dans les tuyaux de plomb. Ce qui la rend mauvaise dans ces derniers, c'est qu'il s'y forme de la céruse, matière que l'on dit être très nuisible au corps de l'homme. Or, si le plomb produit des matières malsaines, nul doute qu'il ne soit lui-même contraire à la santé. Nous pouvons en voir une preuve dans les plombiers, dont le teint est d'une extrême pâleur. Lorsque le plomb est en fusion, la vapeur qui s'en exhale pénétrant dans les corps les dessèche de plus en plus et finit par enlever au sang ses qualités essentielles. Merci Pierre-Marie Baudouin pour cette lecture, cet extrait, ces Vitruves. Alors là, nous sommes vraiment à la toute fin, enfin nous sommes au 1er siècle avant notre ère. Prise de conscience, ou en tout cas verbalisation du danger de la pollution au plomb, Anthony Austin ici. Hein. Mmh. Et c'est un constat qui avait été fait dès la plus haute antiquité, que le plomb pouvait engendrer des maladies. Hein. Ça, on le sait par des traités médicaux relativement anciens. Là, Vitruve, dans son ouvrage, son traité sur l'architecture, au livre 8, il va parler de l'eau dans la ville. Et donc le plomb est abordé de manière incidente. Il ne s'agissait pas de faire un traité sur les méfaits du plomb dans la société, hein, bien sûr. Et donc par ce biais-là, on a ces micro... informations qui apparaissent de manière incidente et qui nous donnent à voir effectivement une conscience sincère et réelle de ce que pouvait être le danger du plomb dans la ville. Simplement, cette remarque de Vitruve, elle n'est pas du tout observée sur le terrain. Les canalisations en plomb, on en trouve des quantités incroyables dans les fouilles archéologiques. Souvent, on retrouve rarement le tuyau lui-même, on retrouve le fantôme, ce qu'on appelle du tuyau, c'est-à-dire que ce plomb, il va être réutilisé, réexploité sans arrêt. Donc là aussi, c'est pas facile de tracer les métaux, pour cette raison, leur origine, avec des éléments de trace, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est du recyclage perpétuel qui va s'opérer depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. On allait chercher tous les éléments, c'est pour ça qu'aussi on manque de beaucoup d'inscriptions dans l'Antiquité, qui étaient des inscriptions de bronze, par exemple, parce que dès qu'elles n'avaient plus d'utilité, on les arrachait, on les refondait, et puis on avait du matériau, du très bon matériau, du matériau romain de première qualité sous la main. Hugo Delisle, cette histoire de pollution au plomb est une histoire de recyclage, parce que tout était recyclé. Clé sans cesse. Avec le plomb, là, on peut dire qu'on a un vrai traceur de l'histoire romaine. C'est ça aussi qui transcende toute votre recherche, mais pas seulement vous, de vos labos de recherche. Oui, on a pu mettre en... Alors, je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit par rapport au saturnisme, à ces théories qui sont nées au milieu des années 60 par des groupes de géochimistes durant 20, 30, 40 ans. Effectivement, les causes de la décadence de l'Empire romain est multifactorielle, on le sait maintenant. Néanmoins, l'étude de la contamination dans des ossements n'en demeure pas moins inintéressante dans la mesure où on a ici, à travers la mesure de ces teneurs en différents métaux dans les ossements, l'empreinte du développement de la ville, les conséquences sanitaires du développement de la ville sur les sociétés de l'époque. Ce qui nous donne des enseignements aussi sur nos sociétés contemporaines. Et on a des travaux qui sont en cours, notamment sur la ville de Vienne, qui sont portés par l'université de Grenoble et auxquels je participe, ont montré que des très fortes teneurs en plomb, en mercure, dans des ossements, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 10 mg par kilo de plomb dans des ossements, au-delà duquel on est affecté d'un saturnisme certain. Les mesures qui ont été effectuées sur certains individus montrent qu'on est sur des teneurs au-delà de 200, facteur 20. Ensuite, une fois qu'on compare la composition isotopique du plomb de ces ossements avec celle de canalisation, on observe une empreinte relativement semblable. Ensuite, quand on utilise d'autres traceurs isotopiques, comme ceux du cuivre, qui sont des traceurs de paléocancérogénécité, on commence à deviner, tout ça c'est à travailler, à poursuivre, des atteintes certaines de la consommation, de l'ingestion de cette eau souillée par le développement de la ville, par son expansion sur la santé de ses habitants. Alors certes, pour expliquer des choses très ponctuelles comme la décadence de l'Empire romain, ce type d'étude n'est pas relativement pertinente, on le sait désormais, mais par contre, pour comprendre l'essor et le devenir de nos villes, elle prend toute sa place. Ben c'est passionnant, Hugo Delisle, parce que nous le savons, hein, toujours faire de l'histoire, c'est parler du présent, et surtout du présent, mais là, en l'occurrence, la recherche peut éclairer les problèmes du moment, les problèmes qui durent depuis longtemps, mais qu'on ne voyait pas avant. Merci vivement à tous les deux, Anthony Austin, de vous être prêté à ce jeu et de nous avoir fait un panorama presque monétaire de l'Empire romain. Mais merci beaucoup à vous, Hugo Delisle, de nous avoir fait aussi cette histoire romaine à travers la pollution au plomb. Et il est temps, maintenant, joie, bonheur, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. L'historien peut-il se fier aux témoignages ? Mes chers amis, comme vous le savez, je suis professeur d'histoire. Je vous raconte des batailles auxquelles je n'ai pas assisté. Je vous décris des monuments disparus bien avant ma naissance. Je vous parle d'hommes que je n'ai jamais vus. Et mon cas est celui de tous les historiens. Nous n'avons pas des événements d'autrefois une connaissance immédiate et personnelle, comparable par exemple à celle que votre professeur de physique a de l'électricité. Sur eux, nous ne savons rien que par les récits des hommes qui les virent s'accomplir. Comme nos confrères du palais de justice, nous recueillons les témoignages à l'aide desquels nous cherchons à reconstruire la réalité. Ces propos sont tirés d'un discours de distribution de prix prononcé le 13 juillet 1914, deux semaines avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, par Marc Bloch, qui était alors professeur au lycée d'Amiens. Il n'avait que 28 ans, mais on trouve déjà, dans cette conférence, les principes qu'il a défendus toute sa vie concernant le métier d'historien. Pour aborder la question du témoignage, qui est au cœur de son propos, Marc Bloch commence par quelques réflexions sur l'écriture de l'histoire savante pour montrer tout ce qui la distingue du roman historique qu'affectionnent les essayistes ou les polémistes. L'un des principaux critères qui différencie ces deux façons d'écrire l'histoire, c'est la note de bas de page. « Oh, ces notes, ces pauvres notes !» ajoute Marc Bloch. « Vous ne sauriez vous imaginer combien on en dit du mal. » Il paraît qu'il est des lecteurs sensibles, qu'elles suffisent à dégoûter d'un ouvrage, si beau qu'il soit. Des yeux distraits, qui ne peuvent plus suivre le texte principal, parce qu'ils sont sans cesse attirés vers le rez-de-chaussée du volume. Ces remarques ironiques n'ont rien perdu de leur actualité. Les éditeurs mettent toujours en garde les jeunes historiens qui les sollicitent pour publier leur thèse contre ce qu'ils appellent le jargon des spécialistes, illustré par les fameuses notes de bas de page. Dans sa conférence, Marc Bloch justifie ses notes par la nécessité pour l'historien de prouver ce qu'il avance en laissant au lecteur la possibilité de vérifier ses dires. Il estime qu'il s'agit là d'un enjeu de vérité qui ne concerne pas que le monde savant. Toute une partie de son propos est centrée sur le rôle que joue le témoignage dans notre vie sociale. Il s'adresse à ses élèves pour les mettre en garde contre ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Un camarade vous raconte qu'un de vos amis a commis je ne sais quelle sottise. Avant de le croire, priez-le de vous citer ses sources. Vous découvrirez parfois qu'il n'en avait pas d'autre que sa propre imagination. Ou bien, s'il en avait, elle n'était pas digne de foi. Ou bien, il les avait mal interprétées. Pour Marc Bloch, cette façon de propager des rumeurs non vérifiées est inscrite dans la nature sociale de l'homme. Il y a plus de 2000 ans, ajoute-t-il, Thucydide avait déjà constaté que la plupart des hommes, plutôt que de rechercher la vérité qui leur est indifférente, préfèrent adopter les opinions qu'on leur apporte toutes faites. Voilà pourquoi le combat pour la vérité ne s'arrête jamais. Merci beaucoup Gérard Noiriel pour ce rappel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster, ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.